La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, existe-t-il une science de la ville ? La plupart des villes sont des produits de l'histoire qui les a fixées ici plutôt que là, et qui au fil du temps leur a donné la configuration qu'elles se trouvent à voir aujourd'hui. Immanquablement, elles vont continuer à se métamorphoser, notamment sous la pression des contraintes démographiques et environnementales. Mais de quelle manière ? Pour le savoir, nous pourrions tenter une expérience de pensée intéressante, consistant à se poser la question suivante. Supposons qu'il n'y ait encore aucune ville sur Terre, et que dans quelques décennies, notre planète doive accueillir 12 milliards de personnes en tenant compte du changement climatique, de la montée des eaux, de la fonte des glaciers, des problèmes d'énergie, de matières premières, d'eau potable. Comment concevrions-nous ces villes si nous avions à notre disposition toutes les sciences contemporaines et de très bons logiciels d'optimisation? Et en quoi les résultats de telles études s'écarteraient-ils de la situation présente? La mesure de cet écart entre ce qui est et ce qui serait le mieux possible pourrait fournir la direction vers laquelle porter nos efforts. Les villes ainsi préconçues seraient-elles au nord plutôt qu'au sud, au bord de la mer ou loin des côtes? Seraient-elles toutes des mégalopoles ou bien une myriade de villes moyennes? L'exercice est intéressant, mais dans son principe même, il fait fi de la réalité qui est tout à fait autre. Nos villes ont une histoire qui a forgé leur identité, qui leur a donné un ancrage, qui lui-même a enraciné notre attachement à elles. Nous pouvons les faire évoluer, mais pas les remplacer. Regardons les débats ne serait-ce qu'autour de la restauration de Notre-Dame. S'ils nous mettent à vif, c'est parce que nous ne voulons pas que le futur de Notre-Dame renie son passé ou le contredise. Nous voulons que son futur continue de montrer ce que fut son passé. Dès lors, comment articuler l'histoire des villes, leur mémoire, leur identité et leur évolution obligatoire? Pour discuter de ces questions, j'ai invité Cécile Maisonneuve. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne de formation. Vous avez d'ailleurs écrit une biographie de Benjamin Franklin, sur laquelle nous reviendrons. Et vous êtes aujourd'hui présidente de la Fabrique de la Cité. Alors, commençons par Benjamin Franklin, qui est un des premiers héros américains. Qu'est-ce qui a justifié que vous vous intéressiez à sa biographie au point d'en rédiger une nouvelle ? Benjamin Franklin, déjà, c'est le seul père fondateur américain qui n'est pas, qui est vraiment un homme qui n'a pas été éduqué dans les grandes familles, dans les grandes universités américaines. Il est autodidacte et il s'est intéressé littéralement à tout. C'est à la fois l'homme qui a inventé le paratonnerre, l'homme qui a inventé le réseau des bibliothèques publiques dans ce qui deviendra les États-Unis. Il a été ambassadeur de son pays dans cette période compliquée de la guerre d'indépendance. Et il a aussi été un citoyen engagé. Donc ce personnage assez insaisissable, à la fois très connu, parce que tout le monde connaît l'expérience du paratonnerre de Benjamin Franklin, est aussi un personnage extrêmement difficile à saisir. Il a publié un nombre de textes incroyables, typiquement en se posant le genre de questions que vous posiez, c'est-à-dire en essayant de réunir autour de la table des gens de spécialités très très différentes, même des gens qui, j'allais dire, qui avaient des métiers manuels. Lui-même était imprimeur et revendiquait fièrement ce métier, en se posant des questions qu'on appellerait aujourd'hui sociétales, politiques et sans limite. Donc voilà ce qui m'a intéressé dans ce personnage, inventeur, homme d'action et puis en même temps grand penseur. C'est lui qui a démontré que la foudre était un phénomène électrique et il a fondé les premières compagnies de sapeurs-pompiers volontaires à Philadelphie, d'après ce que j'ai pu le voir. Il était végétarien et il a publié une sorte de recueil d'aphorismes parmi lesquels on trouve ceci... ne pas manger de viande, alors ça c'est pour sa propre discipline, ne boire que de l'eau, ne pas mentir, ne pas dire du mal des autres, ce qui est un vaste programme, faire de son mieux ce qu'on entreprend, s'instruire toutes les fois qu'il est possible, et parmi les aphorismes il n'y a pas de petits ennemis, chaque ganté n'attrape pas de souris, un œuf aujourd'hui vaut mieux qu'une poule demain. Oui, c'était un homme qui s'est installé, j'allais dire, dans chaque foyer américain à travers les almanachs et ce type d'aphorisme. Et ce qui est intéressant, c'est que Benjamin Franklin s'est à la fois intéressé, j'allais dire, au grand sujet. Vous avez rappelé ses découvertes sur l'électricité. Il a quand même résolu un problème que tous les grands scientifiques européens de l'époque, qui étaient passés par les plus grandes universités, ne parvenaient pas à résoudre. Et en même temps, il s'est intéressé, j'allais dire, aux détails du quotidien, c'est-à-dire à comment concrètement bien vivre. De ce point de vue-là, c'est aussi un philosophe intéressant. Alors Cécile Maisonneuve, vous qui êtes littéraire, qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez plongé dans le bain d'un monde d'ingénieurs, si j'ose dire, des architectes, des urbanistes, des gens qui font de la technologie ou de la science? Ce qui m'a intéressé sur l'urbain, c'est que, j'allais dire, comme souvent, au commencement était le verbe, c'est-à-dire au commencement était le logos. Et avant de dessiner une ville, avant de la construire, mais il faut la penser. À telle enseigne que un des plus grands philosophes s'est intéressé à ce sujet, je pense à Platon et sa cité idéale. Alors, il est vrai qu'on parle, s'agissant de Platon, plutôt d'une cité-état, mais quand même, c'est-à-dire pourquoi un philosophe qui s'intéresse à des grands sujets comme la mort, l'existence, pourquoi travaille-t-il sur la cité idéale? Pourquoi convoque-t-il les théories scientifiques les plus avancées de son temps? Parce que il calcule le nombre idéal d'habitants pour une ville en s'appuyant sur ce qui correspond à l'époque à une théorie nouvelle sur les sentiers rationnels. C'est-à-dire qu'il travaille avec les plus grands scientifiques de son temps pour s'intéresser à la ville. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans la ville, c'est que vous vous disiez, vous interrogiez en introduction sur le fait de savoir s'il y avait une science de la ville. Ben, s'il y a une science de la vie, je veux dire, c'est peut-être une méta-science, je ne sais pas si la notion est pertinente, parce que la ville, en fait, c'est un système de systèmes, c'est une construction physique, c'est une construction politique, une construction sociale et une construction philosophique. Et donc, il faut partir d'une pensée, il faut partir de cette page blanche, c'est-à-dire que il faut s'interroger sur la cité idéale. Et ce qui est amusant, c'est qu'on s'interroge rarement sur l'état idéal, le pays idéal, en revanche, la cité idéale. Toutes les grandes civilisations se sont interrogées sur comment est-ce qu'on dessine, comment est-ce qu'on construit la ville de nos rêves. L'utopie fait pleinement partie du projet urbain. Donc oui, c'est ça qui m'a intéressée à l'origine. Je l'ai dit en vous présentant, vous êtes présidente de la Fabrique de la Cité. Qu'est-ce que c'est que la Fabrique de la Cité? C'est un think tank, mais quelle est sa finalité et quel type de recherche promeut-il? Alors, think tank, effectivement, club de réflexion, laboratoire d'idées. L'idée de la Fabrique de la Cité, c'est finalement de constater que pas une seule science ne saurait être convoquée pour construire la ville. On pense évidemment spontanément à la géographie, à l'architecture, mais en réalité, il faut, pour comprendre comment fonctionne une ville, il faut, pour comprendre comment vont fonctionner nos villes, il y a une dimension prospective, eh bien convoquer autour de la table aussi bien des sciences fondamentales, la science physique, l'énergie dans la ville, c'est un sujet majeur, on pourra en reparler. Il faut convoquer les sciences politiques, il faut convoquer les sciences sociales, il faut parler aussi bien à l'ingénieur, vous le citiez, qu'à l'historien, et merci d'avoir commencé par l'histoire pour parler des villes, aux sociologues, à l'anthropologue, et puis le mathématicien, je parlais de Platon tout à l'heure. Donc notre objectif à la Fabrique de la Cité, c'est finalement de mettre à disposition tous ces savoirs scientifiques et une recherche abondante sur la ville, que ce soit en France ou dans le monde, on travaille sur une perspective internationale, et bien de les mettre à disposition de ceux qui sont aux manettes dans les villes, ceux qui les dirigent, ceux qui les font fonctionner, et puis tout simplement ceux qui y vivent. Le but, c'est d'amener au grand public aussi des clés de compréhension sur ce monde urbain dans lequel on vit, et qu'on est en train de construire. On construit toujours aujourd'hui un monde urbain qui va dépasser tout ce qu'on a connu jusqu'alors. On est en train de construire un deuxième monde urbain. En 50 ans, on est en train de construire autant que ce qu'on a construit en 5000 ans. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va augmenter le nombre de villes ou est-ce qu'on va augmenter la taille des villes? On est déjà en train de le faire, les deux. Le nombre de villes a fortement augmenté dans les années passées. Et tout ce qui se passe en Asie, en Afrique, c'est une urbanisation à marche forcée. Enfin, à marche forcée, voulue par vous et moi, c'est-à-dire que si les villes augmentent, on ne décrète pas une ville, c'est que les gens veulent venir vivre dans les villes. Donc ça, c'est en train de se passer, ces villes nouvelles qui émergent dans les grands pays du monde en développement. Et puis également, la taille des villes, les mégalopoles. On atteint des tailles de villes absolument phénoménales. Certains disent que, par exemple, Shanghai, ce serait pas 30 ou 40 millions d'habitants, mais ce serait 80 millions d'habitants. Donc ça pose des questions absolument majeures sur qu'est-ce qu'une ville au XXIe siècle et dans quelle ville avons-nous envie de vivre? Je suis pas sûr des chiffres que je vais avancer parce que j'ai perdu mes notes, mais il me semble avoir lu que en 1950, 30% des humains vivaient dans des villes. En 2014, c'était 54%. Et j'ai cru comprendre qu'en 2030, la proportion qui est envisagée, c'est 60%. Comment est-ce qu'on peut savoir à l'avance combien d'humains vivront dans les villes en 2030? Effectivement, c'est des tendances qu'on extrapole ou est-ce que c'est des... Oui, on est dans l'extrapolation de tendances. Alors, ce dont on est sûr, c'est que depuis 2008, une majorité d'êtres humains vivent dans les villes. Alors après, on pourra parler de ce qu'on entend par ville, puisque il y a plusieurs notions qui s'attachent à ce mot simplificateur, mais la réalité, et ça on le voit très nettement quand on voyage dans ces villes du monde, il y avait par exemple la semaine dernière à Abu Dhabi le Forum Urbain Mondial organisé par ONU Habitat, et vous voyez bien que cette demande de ville, elle est universelle sur tous les continents. Vous avez une volonté de développer l'urbain. Donc ça rejoint plus une extrapolation qu'autre chose, mais ça correspond aussi à l'observation des faits, c'est-à-dire que on veut aujourd'hui vivre dans une ville. Mais alors justement, c'est la question que vous posiez à l'instant. Combien y a-t-il de villes? Et ça suppose d'être capable de dire combien d'habitants doit posséder un bourg, disons, pour devenir une ville. Alors j'ai vu que les Nations Unies ont établi des seuils qui dépendent des instituts nationaux de statistiques. Il y en a 200 à travers le monde. En France et en Allemagne, c'est 50 000 habitants pour qu'une ville soit considérée comme telle. Au Danemark, 200. En Islande, 300. Au Canada, 1000. Aux États-Unis, 2500. Au Japon, 50 000 comme en France. Et donc, le nombre de villes dépend de la définition qu'on en donne. Et quand on compte le nombre de personnes qui vivent dans des villes, eh bien, on va retomber sur ces problèmes de définition. Effectivement, il y a derrière donc des notions à la fois statistiques, mais aussi géographiques. Et d'ailleurs, entre la statistique et la géographie, il n'y a pas toujours de zone de recoupement très claire. Par exemple, quand on dit que l'Europe est urbanisée à 80%, on parle des aires urbaines. Et l'aire urbaine, ça va de la ville très très très dense, c'est-à-dire du cœur de ville, à des zones beaucoup plus éloignées. Juste un exemple, si vous regardez depuis 10 ans en France, l'INSEE nous dit que les aires urbaines ont gagné des habitants, mais 2/3 de ces habitants ne se sont pas installés dans le cœur des villes. Ils se sont installés en dehors des métropoles, c'est-à-dire qu'ils sont installés dans ce qu'on considérerait quelquefois comme des petites villes, des petits bourgs, mais pour autant sont considérés comme des urbains. Donc on est là dans de la norme, mais on est là dans un sujet absolument majeur parce que derrière s'attache la définition des politiques publiques que vous allez mettre en œuvre. Par exemple, le fait que 2/3 des nouveaux urbains en France depuis 10 ans se soient installés en dehors de l'aire des métropoles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont installés en dehors de l'aire, la zone de pertinence des transports publics. Ça veut dire que vous pourriez dire, ben voilà, mon aire urbaine a augmenté, je vais augmenter à due proportion les transports publics. Mais là, en fait, ça ne marchera pas parce que ces personnes sont dans des zones beaucoup trop éloignées pour que le transport public soit à la fois pertinent et économiquement viable. Donc, il est très important. Des voitures personnelles. Exactement. C'est ce qui explique que la part modale de la voiture, par exemple, en France depuis 40 ans, ne bouge absolument pas. Donc, il est temps, j'allais dire, d'avoir une vision réelle de cette carte urbaine pour dessiner des politiques publiques qui soient adaptées à la France telle qu'elle est, et non pas à cette France que l'on pourrait imaginer. Je veux dire, la carte les villes contre les campagnes, Vidal de Lablache 1911, c'est fini. Il faut vraiment regarder de très près aujourd'hui tous les travaux géographiques et les statistiques pour bien cibler les politiques adéquates. Cécile Maisonneuve, depuis quand est-ce qu'on parle de banlieue? La banlieue, on pourrait parler de l'étymologie, donc qui renvoie à la zone du ban, c'est-à-dire ce qu'elle le seigneur avait compétence. Le sujet des banlieues est très propre à une question plus sociale que géographique, puisque apparaît cette notion au cours du XXe siècle, et on peut penser par exemple en France à tous les travaux d'une historienne comme Annie Fourcault. Et le sujet, en fait, c'est cette ville autour de la ville, c'est la question des échelles. Et on voit bien aujourd'hui, c'est une question absolument majeure quand vous voulez mettre en place une politique, je pense à des politiques de mobilité, on peut exactement poser cette question sur les politiques de logement, sur les politiques environnementales et climatiques. Quelle est la bonne échelle d'action? Est-ce que cette ville qui est autour de la ville est une ville ou un non-lieu? Et jusqu'alors, la banlieue, c'est une manière de ne pas qualifier des vraies villes comme telles, mais d'en parler comme ce qui était précisément autour d'eux. Et aujourd'hui, tout l'enjeu, alors à la fois à travers la construction des métropoles et à la fois à travers cette notion de considérer la bonne échelle, eh bien, on travaille sur ces objets tels qu'ils sont, c'est-à-dire pas du tout des non-lieux, ce sont des gens où des lieux où les gens vivent, des lieux qui ont une identité, des lieux qui ont leur spécificité. Et vous remarquerez, aujourd'hui, on parle moins de banlieue, on parle plutôt de zones périphériques, ce qui est encore une autre manière de ne pas désigner ces lieux en tant que zones véritablement urbaines et vraies villes. Alors, si on reprend la question que je posais tout à l'heure, qui est une sorte d'expérience de pensée, on imagine qu'il faille caser 12 milliards de personnes sur la surface de la Terre. Est-ce qu'une ébauche qu'on pourrait proposer serait très différente de la situation des villes d'aujourd'hui ? Est-ce qu'on les mettrait aux mêmes endroits ? Est-ce qu'on leur donnerait la même taille ? Est-ce qu'on les concevrait différemment ? Alors, derrière la question que vous posez, il y a la question un peu de la cité idéale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on dessine... Mais avec des contraintes. Avec des contraintes. Comment est-ce qu'on dessine cette ville du bien-vivre, comment est-ce qu'on dessine cette ville désirable. Vous remarquerez que quand on parle de l'urbain et du mot ville, on met beaucoup de qualificatifs derrière. Et précisément, la manière qu'on a actuellement de répondre à cette question, c'est à travers le concept de smart city, c'est-à-dire cette drôle de notion visant à dire que, avec beaucoup de technologie, avec des données en nombre qui nous permettent de savoir comment concrètement vivent les gens dans une ville, on peut construire cette ville idéale. Et vous avez ces sortes de villes décrétées avec une vision très technologique qui font la une. On peut penser aux Émirats à Masdar, à Songdo en Corée. Et en fait, vous vous apercevez qu'une ville, en réalité, ça se décrète pas. Vous parliez de la géographie. Les villes se sont installées très logiquement, là où il y avait des nœuds de communication, là où il y avait des réseaux de communication. Une ville, fondamentalement, c'est quoi ? C'est du flux et du stock, et sur le flux, c'est du réseau. Des réseaux physiques, alors après des réseaux immatériels aussi, mais avant tout des réseaux physiques. Donc c'est pour ça que la géographie, les villes sont à la fois des produits historiques et des produits de la géographie. Décréter une ville aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement à la fois ambitieux et risqué. Et j'ai visité la semaine dernière Masdar, entre le projet tout à fait pharaonique qu'on nous présentait il y a 10 ans et ce que le projet est aujourd'hui, eh bien on est revenu, j'allais dire, au réel, à savoir qu'une ville, c'est du temps. Vous parlez de Notre-Dame, une ville, c'est une construction qui prend du temps, une construction qu'il faut s'approprier, une construction qui doit être habitée, incarnée. Ce qui n'est pas toujours le cas en Chine, par exemple, où on a vu des villes croître à un rythme effréné en quelques années, décennies même. Ben, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, les Chinois sont en train de revoir totalement la manière dont ils ont fait leur ville au cours des décennies passées, parce qu'ils ont produit des villes littéralement invivables. Des villes littéralement invivables, ne serait-ce que par la qualité de l'air, des villes invivables parce que, répondant, j'allais dire, à des dessins, des morphologies urbaines qui ne sont pas utilisables au quotidien, ne serait-ce que pour se déplacer, ne serait-ce que pour respirer, c'est-à-dire des fonctions de base d'une ville. Et donc aujourd'hui, les Chinois reviennent à une approche, viennent à une approche de l'urbain qui permet véritablement de bien vivre dans la ville. Je veux dire, dans toutes les villes, dans tout le monde, on veut bien vivre quand on vient dans une ville pour bien vivre. On vient pas dans une ville pour s'abîmer la santé ou ne pas remplir ses projets. Mais est-ce qu'on est capable de mesurer la proportion de villes dans lesquelles il est possible de flâner, de se promener librement, de bouger sans avoir de but précis ? Alors cette question de la flânerie en ville, moi c'est une question qui me passionne absolument. Alors je pense qu'on a un biais à la fois très européen et plus encore parisien, puisqu'on vit dans une ville de la marche. La part modale de la marche dans une ville comme Paris, c'est 51%. Des déplacements, c'est-à-dire les déplacements que vous faites exclusivement en marchant. Donc les Parisiens sont avant tout des marcheurs. Et on l'oublie. C'est pas comme ça qu'on les perçoit. C'est pas comme ça qu'on les perçoit, mais c'est la réalité des chiffres. Et ces chiffres, c'est d'ailleurs des chiffres qui sont extrêmement solides. C'est les enquêtes ménage-déplacement qui sont faites tous les 10 ans par l'INSEE et qui est une énorme enquête qui mobilise beaucoup de moyens. Et c'est cette réalité-là que montrent les chiffres. Donc Paris est une ville de la flânerie. Les villes européennes sont des villes de la flânerie parce qu'elles accordent l'interstice entre, je parlais de flux et de stock, l'interstice entre le stock, c'est-à-dire l'espace public, une importance absolument majeure. L'espace public, c'est cet espace qui nous permet, précisément comme vous le disiez, de flâner, d'aller le nez au vent, sans trop se soucier de ce sur quoi on va tomber. Alors quand vous regardez la réalité des villes dans le monde, la réalité des villes qu'on est en train de construire, c'est pas tout à fait ça. Et il y a une recherche passionnante qui a été publiée la semaine dernière par deux universitaires de l'université McGill à Montréal, qui ont essayé de calculer un indice de connectivité des villes. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'évaluer dans quelle mesure le réseau viaire, le réseau des rues, est connecté. C'est-à-dire, est-ce que une ville a un réseau extrêmement sophistiqué? Et ce que montrent les données qu'ils ont recueillies, c'est plutôt l'inverse. On est en train de construire des villes avec un indice de connectivité du réseau viaire qui est faible, c'est-à-dire les gated communities, c'est-à-dire c'est l'équivalent de zones pavillonnaires fermées. Entre l'habitat informel et les gated communities, on est en train de construire dans des villes qui sont très peu marchables, pour employer un afro-néologisme, ou en tout cas dans lesquelles la flânerie n'est pas le but. Des villes très peu évolutives, parce que plus le réseau viaire est connecté, plus on peut le faire évoluer, et notamment dans un sens favorable à l'environnement, plus on peut connecter les modes de transport entre eux. Donc il y a là une nouvelle manière d'appréhender la construction de la ville par son réseau de routes et de rues qui doit être promue. Et pour le coup, les villes européennes n'ont pas attendu cette recherche pour le savoir. Il suffit de se promener à Amsterdam, de se promener à Barcelone, je parlais de Paris, mais dans n'importe quelle ville européenne pour le comprendre. Mais est-ce que le fait de réfléchir à la ville du futur fait que, dans vos perspectives, les grandes villes du futur se ressembleront? Ou est-ce que, au contraire, on gardera des typologies régionales, nationales, qui feront qu'une ville européenne ne ressemblera jamais à une ville américaine, par exemple? Bien, à travers le sujet de la Smart City, au fond, c'est ça la question qui est posée. Moi, ce qui m'intéresse dans ce thème-là, bon, qui est un thème très difficile à traduire, c'est finalement une tension entre une tentative de globaliser les villes, c'est-à-dire finalement mettons les mêmes technologies, les mêmes applis, avec les mêmes plateformes numériques, et puis on va produire une ville efficace. Donc tension entre cette globalisation-là, et puis une autre tension qui est une volonté très forte d'un retour au local. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est ça qui est en débat quand on parle de la ville de demain, où on veut à la fois des services finalement très élaborés qui passent en partie par la présence d'acteurs transnationaux et à la fois renouer avec ce territoire sur lequel on a construit nos villes. Donc, je ne pense pas qu'on va aller vers des villes plus uniformisées pour autant. Je ne le pense pas parce que une ville, je l'ai dit, ce sont des réseaux, c'est du stock, du flux, et puis ce sont des gens. Donc il y a quand même un aspect culturel, c'est-à-dire un ADN propre à la ville, un aspect politique qui est tout à fait particulier. De même que la culture de Boston n'a absolument rien à voir avec celle de New York, par exemple. De même que la culture de Bordeaux n'a pas grand-chose à voir avec celle de Lyon. Eh bien, de même, la culture de Bombay n'aura rien à voir avec celle d'Hyderabad, par exemple. Donc, on va pas aller vers une uniformisation des villes, mais on va vers une dimension, j'allais dire, transverse, qui est cette demande de services efficaces. Et ça passe par des technologies globales, mais qui s'incarneront de manière différente dans les villes. Je vais vous poser une question, Cécile Maisonneuve, qui va peut-être vous surprendre, mais je sais pas si à la fabrique de la cité vous y réfléchissez, mais dans les villes, en général, il y a des lumières la nuit qui créent une sorte de pollution qui empêche de voir les étoiles. Et donc, si la proportion d'humains qui vivent dans les villes s'élève à plus de 60% en 2030, ça veut dire que la proportion d'humains qui pourront dire qu'ils ont vu la Voie lactée va se réduire considérablement. Et d'un point de vue culturel, philosophique, anthropologique, qu'est-ce que ça impliquera d'être ainsi coupé du spectacle du ciel qui a joué un rôle si important, par exemple dans la pensée des anciens et dans la façon de construire les systèmes philosophiques? Alors effectivement, je pense que la ville n'est pas le lieu idéal pour observer le ciel ni les étoiles. J'observe cependant que les sciences dont vous parlez sont nées à côté d'une des plus grandes villes de l'Antiquité, en l'occurrence Éphèse, en Asie mineure. Et ça me fait dire autre chose, c'est que les villes ne sont peut-être pas le meilleur endroit d'où l'on pourra regardez les étoiles, mais les villes ont été et seront toujours le meilleur endroit où pourront se rassembler ceux qui regardent les étoiles. Ce que je veux dire par là, c'est que La ville, c'est le lieu des opportunités, des rencontres. Inattendu, c'est bien pour ça qu'on vient dans une ville, c'est pour l'inattendu, c'est pour ce qui va se passer au détour du coin de rue, vous parliez de la flânerie. Et ne serait-ce qu'en matière d'innovation scientifique, les villes ont une capacité à attirer les talents, à attirer des personnalités venues de tous les types de sciences, qui est absolument unique. C'est pour ça que si on ne pourra, à mon avis, toujours pas regarder les étoiles d'une ville dans le futur, on pourra accroître nos connaissances sur les 10 étoiles, sur la Voie lactée et sur les grands phénomènes physiques dans les villes. Grâce à des écrans. Grâce à des écrans, mais vous savez aussi, la concentration des humains dans les villes appelle un autre désir qui est le retour précisément au territoire. Et à mon avis, il n'y a pas de hasard dans les débats qu'on voit aujourd'hui fleurir sur le fait que à la fois on s'urbanise massivement et rapidement, et à la fois on a cette espèce de nostalgie ou de volonté d'un retour à la nature. Ce sont les deux pendants d'un même mouvement. Et je crois que le débat pour le coup de comment recréer la nature dans la ville n'a pas grand sens, puisque la nature, c'est la nature, et précisément, elle peut pas être recréée dans la ville. On peut recréer un type de nature, mais qui est extrêmement forgé par l'homme, mais que le besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe, c'est-à-dire en dehors des villes, sera d'autant plus important. C'est l'heure de faire cette pause musicale qui est l'habitude de la conversation scientifique. Vous avez choisi, Cécile Maisonneuve, la sonate pour violoncelle et piano de Schubert. Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Cécile Maisonneuve, vous avez choisi donc cette sonate pour violoncelle et piano de Schubert qui s'appelle Arpeggione. C'est ça, oui. Vous avez l'air d'aimer cette musique-là. Vous parliez de flânerie tout à l'heure et je pense qu'elle est assez représentative de ce que peut être un esprit qui flâne dans une ville. C'est-à-dire que tour à tour, vous avez l'esprit apaisé, je sais pas, vous passez le long d'un fleuve. Et puis survient le mouvement, le choc de la vitesse. La ville, c'est les deux, c'est des rythmes absolument variés en permanence et surtout une surprise permanente. Donc moi, j'aime bien cet air parce que je me vois très bien, d'ailleurs je le fais, marcher dans Paris en écoutant cette sonate. Alors on est là avec vous pour parler des villes du futur. On parle beaucoup de neutralité carbone. Alors j'ai essayé d'en trouver une définition, j'ai pas trouvé. Et pourtant, beaucoup de villes annoncent la neutralité carbone pour 2030, 2035. Est-ce que les villes ne sont pas rivées à leur histoire au point qu'il est difficile de les faire évoluer? On est très loin aujourd'hui de la neutralité carbone, quelle que soit la définition qu'on en donne. Et donc cet objectif suppose des modifications énormes dont on voit pas bien comment elles pourraient concerner des villes qui sont implantées, qui sont ancrées, qui sont contraintes par leur propre histoire et qui du coup ont une sorte d'inertie qui empêche de les modifier facilement. Effectivement, dans cet objectif des villes d'atteindre la neutralité carbone, et vous avez cité des dates assez impressionnantes, il y en a même qui parlent de 2020, hein. Je crois que c'est Vancouver qui vise la neutralité carbone dès 2020. Il va falloir se dépêcher. Il va falloir aller très très vite, mais on va scruter justement ce qu'elles font. D'autres, 2025, 2030, 2050 s'agissant de Paris. Alors, moi ce que je trouve très intéressant dans ce thème de la neutralité carbone des villes, c'est on l'a vu avec les accords de Paris, le rôle des villes et plus généralement des acteurs infra-étatiques a enfin été reconnu comme absolument majeur dans la lutte contre le changement climatique. Donc les villes sont en train de prendre le pouvoir à travers ce thème du climat sur ce qui paraît, vous l'avez dit, un objectif extrêmement difficile à atteindre, puisque derrière ce terme non défini, ou du moins sur la définition duquel les scientifiques ne sont pas tout à fait d'accord, on est en train de parler, ni plus ni moins, que d'un changement radical de modèle. Puisque les villes sont des, si je parle du seul sujet énergétique, sont des consommatrices d'énergie absolument majeures. Je crois que c'est plus de 70% de l'énergie qui est consommée dans les villes. Une tendance qui ne diminue pas. Nous consommons de l'énergie, évidemment, quand nous nous déplaçons, quand nous vivons dans notre logement. Nos usages numériques sont également un facteur absolument majeur et qui n'est pour l'instant pas du tout maîtrisé de consommation énergétique. Et donc, ça paraît difficile à atteindre. Et derrière ce sujet, on parlait tout à l'heure des échelles. Mais je crois qu'en fait, pour comprendre comment les villes peuvent atteindre la neutralité carbone, il faut réfléchir à quelle échelle parle-t-on. Et c'est là qu'on retrouve ce lien trop longtemps oublié, qu'on est aujourd'hui en train de sur lequel on est en train de retravailler, du lien entre la ville et son territoire. Et c'est pour ça que moi c'est un des projets de recherche que je mène cette année à la Fabrique de la Cité. Je souhaite comprendre comment, en travaillant à la bonne échelle, on peut arriver à faire en sorte que ce concept sorte du champ du marketing territorial, sorte du flou, où j'allais dire, et une courbe d'apprentissage qui soit accélérée, parce que on va en avoir besoin dès lors que la grande majorité des habitants vivent maintenant en ville. Vous parlez de marketing, indirectement de smart cities, qui est un terme marketing à la base. Mais qu'est-ce que ça veut dire smart dans smart city? Est-ce que c'est simplement une aide à partir des données recueillies pour que la vie dans la ville soit plus facile, qu'elle soit plus fluide en quelque sorte, ou est-ce que c'est simplement du marketing? Alors, c'est avant tout effectivement un terme marketing qui est originaire, qui a été forgé par les grandes entreprises de l'informatique. À l'origine, c'était Cisco, IBM. Alors, le smart est proprement, à mon sens, intraduisible. On traduit souvent par villes intelligentes, ce qui n'a pas grand sens. Les villes ont toujours été très intelligentes. Enfin, si on veut voir un exemple de smart city, on va se promener dans la ville haussmannienne, on va se promener à Paris, on a un exemple de ville d'une intelligence absolument phénoménale. Et l'exposition qui avait eu lieu l'an dernier au pavillon de l'Arsenal sur Haussmann était là pour le rappeler. Là où je trouve le terme smart intéressant, c'est qu'il nous dit deux choses. Il nous dit effectivement qu'il y a de la science dure, de la science fondamentale, des données, de l'analyse des data, beaucoup de data science derrière, pour reprendre un mot à la mode. Et ça, il y a rien de nouveau. Les villes ont toujours été des sources de données. Elles ont toujours fonctionné avec beaucoup de données. Les services techniques des villes sont souvent très achalandés avec beaucoup, beaucoup de données. La différence aujourd'hui, c'est que tout est mis en données, y compris nos vies personnelles, y compris nous, dans nos usages quotidiens, dans la sphère du domicile, c'est-à-dire dans la sphère de l'intimité. Donc ça donne une quantité de données bien plus importante, y compris des données qu'on suscite malgré nous. Je pense quand nous nous promenons, quand nous flânons, la géolocalisation qui est activée. Avec un téléphone dans sa poche. Un téléphone, voilà. On est des producteurs de données phénoménaux. Donc il y a cet aspect-là. La ville, j'allais dire, c'est le smart, c'est l'intelligence rationnelle. Mais il y a autre chose dans le terme de smart city. Et là, les villes ont toujours été, me semble-t-il, de ce point de vue-là aussi très agiles. C'est l'intelligence, c'est un peu la métisse des Grecs, c'est-à-dire l'intelligence d'Ulysse. C'est je me débrouille, je suis malin, je trouve des trucs qui vont me permettre d'habiter la ville autrement. Et de ce point de vue-là, c'est là qu'est absolument fascinant l'objet urbain, c'est que vous pouvez dessiner le plan le plus rationnel qui soit. Vous pouvez imaginer les usages les plus sophistiqués qui soient. Vous avez dans cette ville ces réseaux immatériels dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la connexion entre les gens, ces interstices de la ville qui vont faire que vous allez voir une utilisation différente de la ville. Et c'est là que la métisse, le côté malin, va jouer un rôle absolument fondamental. Et de ce point de vue-là, on a tendance à voir dans la Smart City un objet, c'est-à-dire on a envie de, quand vous regardez les représentations, vous voyez des villes avec plein de capteurs, toutes les technologies dernier cri. Et la Smart City, c'est pas ça. La technologie, la Smart City, c'est un processus, c'est une manière de faire la ville. Et là où ça devient beaucoup plus intéressant, et là où le numérique joue un rôle vraiment majeur, me semble-t-il, c'est que ça permet d'avoir un regard transverse, là où on avait un regard très vertical. Quand on regardait la mobilité, on regardait la mobilité. Quand on regardait le logement, on regardait le logement. Aujourd'hui, on peut croiser les données, avoir un regard différent sur la manière dont on habite et on vit les villes. Et je prends juste un exemple. Montréal vient de fusionner son département de la mobilité avec son département de l'aménagement urbain. Alors vous me direz, bon, c'est une transformation administrative secondaire d'une ville qui se réorganise. Pas du tout. Là, vous fusionnez des gens qui jusqu'alors se parlaient peu et ne pensaient pas pareil. Et derrière, vous construisez des documents d'urbanisme à partir de données croisées qui sont totalement différents et qui peuvent, on revient à notre sujet neutralité carbone, permettre d'appréhender des réalités de manière différente et donc de construire des politiques publiques de manière différente. Et c'est là, d'ailleurs, là, on retrouve aussi cette sorte de métisse, de ruse, de caractère malin qui va nous permettre d'inventer les villes encore autrement. Mais ça, c'est peut-être le bon côté des choses. C'est une maison neuve, mais il y a aussi sans doute un côté plus sombre. Par exemple, Google Maps modifie le rapport qu'on a avec l'espace public. Alors, il est vrai que là, quand vous affichez un plan, il y a des couleurs qui indiquent les endroits qu'il est agréable de visiter, d'autres qui le sont moins. Comme si le rapport que le citoyen a avec sa propre ville était médié par des informations qui ne sont pas directement à sa disposition. Il est vrai que les données, et notamment les données de Google, donnent à voir la ville autrement. Alors, il y a aussi le côté positif dans ce que vous décrivez, à savoir ce qui a par exemple été permis par les données de Google et les citoyens, c'est-à-dire qu'on a enfin cartographié les favelas de Rio. Jusqu'alors, il n'y avait pas de carte des favelas de Rio, il ne fallait pas en parler, ça n'existait pas. On peut donc aller flâner dans les favelas. Tout du moins, ça a permis aux habitants d'exister sur une carte et donc de travailler à un sentiment de fierté, d'appartenance aux 10 quartiers. On n'était pas précisément dans ces non-lieux dont je parlais. Et ça, ça a été permis par une alliance entre Google et des habitants, des acteurs locaux, en dépit des autorités publiques. L'inverse, effectivement, que vous signalez, la face sombre de la médaille, c'est que bientôt, et peut-être même d'ores et déjà, Google, à la fois par sa capacité à récolter des données de nature très différente, données ouvertes pour certaines, données non ouvertes pour d'autres, y compris données personnelles, en sait plus sur la ville que les villes elles-mêmes. Et les nouvelles fonctionnalités de Google Maps sont absolument impressionnantes, au sens où elles vous signalent des zones dites d'intérêt. Et alors, vous pouvez être une municipalité qui a travaillé sur une redéfinition de ces espaces publics, qui a redessiné, qui a fait de la concertation pendant des mois, eh bien, votre nouveau schéma d'espace public n'apparaît pas sur Google et donc vous n'existez pas. Donc ça pose une question, me semble-t-il, de fond, dont il serait urgent qu'on se saisisse dans nos villes, à savoir comment on travaille avec ces réalités, puisqu'elles sont là. Je pense qu'on ne va pas désinventer les capacités de Google à croiser des données. Et comment est-ce qu'on, je veux dire, réintroduit une forme de contrat avec ces entreprises du numérique qui, pour l'instant, travaillent hors contrat, si je puis dire. Mais on présente souvent aussi la Smart City comme étant un moyen de prendre des décisions plus démocratiques, de faire participer les habitants au projet de la cité. Est-ce qu'il y a des expériences qui sont concluantes de ce point de vue-là ? Alors, effectivement, l'idée de la Smart City avec le numérique, c'était d'amener sur la décision publique tous ceux qu'on ne voyait jamais. On sait tous que les procédures de concertation étaient utilisées par presque des professionnels amateurs, si je puis dire, de la concertation. Et là, on a les moyens d'aller chercher le citoyen qui a envie de s'engager, mais qui savait pas trop comment faire. Alors, le bilan est pour le moins, mesuré. Il est mesuré parce que on s'aperçoit dans un certain nombre de cas quand vous donnez cette possibilité aux gens, ils ne s'en saisissent pas forcément. Je pense par exemple à la possibilité qu'avait laissée la mairie de Paris de faire des pétitions en ligne et de se saisir avec le numérique de manière plus importante du droit de pétition. Ça n'a pas été utilisé. Les gens ne se sont pas saisis de cet outil. Ce qu'on voit également, c'est que amener de nouvelles populations grâce au numérique sur des processus de concertation, ça ne marche pas quand vous allez dans des quartiers généralement délaissés par les politiques publiques ou des quartiers où vous avez beaucoup de pauvreté et beaucoup de détresse sociale. À cet égard, ce qui a été fait à Boston est assez intéressant. Il y avait tout un tas de procédures de concertation qui avaient été mises en œuvre par la municipalité et ils se sont aperçus que le cœur historique de Boston, Roxbury, qui est aussi un quartier, quand vous tapiez justement Roxbury sur Google, vous tombiez sur criminalité, armes à feu. Ce quartier-là, les gens ne se saisissaient pas de l'outil. Et donc, dans ce cas-là, en fait, ce que nous rappelle le numérique aussi, en creux, d'une certaine manière, c'est que quand vous voulez que les gens s'engagent dans leur ville, il faut une présence physique. Et donc c'est intéressant de voir que le premier âge du numérique a été un peu une utopie de l'application où on pensait tout résoudre avec des applications. Et le deuxième âge, on a vu comme en peinture, on a vu là où il y avait des blancs, là où il y avait comme en musique, là où il y avait des silences. Et ça permet de réintroduire par des lieux physiques, par des actions avec des gens qui sont sur le terrain, une vraie action en matière notamment d'innovation sociale. Et à Roxbury, ça s'est traduit par la réhabilitation d'un lieu historique qui était absolument délaissé et qui est utilisé maintenant comme lieu d'innovation sociale au cœur du quartier. Donc l'innovation, c'est l'innovation de proximité et pas seulement de l'utilisation des outils numériques. Imaginons qu'on construise, Cécile Maisonneuve, une ville à partir de rien aujourd'hui. Est-ce qu'elle sera dimensionnée grâce aux outils que vous venez de décrire, la Smart City, ou est-ce que on reprendrait des méthodes qui ont fait leurs preuves dans le passé et qu'on adapterait à cette nouvelle situation ? Alors la question que vous posez, elle est exactement en train de se poser à Toronto, en fait, avec ce morceau de ville au cœur de la ville, qui est une ancienne friche industrielle, une sorte de no man's land. Qu'on est en train de construire, du coup. Eh bien, voilà, la ville de Toronto a fait un appel à projet. Et qui s'est présenté sur cet appel à projet ? Eh bien, la filiale de Google, dédiée au projet urbain Sidewalk Labs. Et précisément, le débat, c'est qu'est-ce que Google apporte à ce morceau de ville ? Est-ce qu'il va dessiner une ville comme un aménageur, j'allais dire urbain lambda, ou est-ce qu'il va dessiner la ville plus, c'est-à-dire la ville de l'aménageur, plus des technologies, plus des services qui n'existaient pas dans la ville normale. Et quand vous regardez le projet, puisqu'un projet a été déposé, un gros document de 1500 pages, tout à fait public d'ailleurs, présenté en juin dernier par Google, eh bien, il a suscité des réactions extrêmement fortes. Pourquoi ? Parce que, d'une part, on s'aperçoit que du point de vue de l'aménagement urbain, du point de vue architectural, ce que propose Google est finalement assez classique, pour répondre à votre question. On réinvente pas forcément grand-chose. En revanche, ce que propose Google sur tout ce qui est la couche numérique de service, là, ça suscite énormément de débats, parce que précisément, ça remet en cause un certain nombre d'éléments du patrimoine immatériel de la ville, à savoir, le premier patrimoine immatériel de la ville, c'est l'anonymat. C'est la protection de la vie privée, notamment dans l'espace public. Et tout le débat aujourd'hui à Toronto se concentre sur ce point-là. Est-ce que là, justement, il n'y a pas un biais culturel très fort, au sens où le rapport qu'on a avec ces données personnelles n'est pas le même selon qu'on habite en Chine, en Europe ou ailleurs? Est-ce que la Smart City, implicitement, milite, sans que ce soit conscient d'ailleurs, vers une sorte de surveillance généralisée? Il est vrai que ce serait, j'allais dire, ce serait bien naïf que de ne pas voir que l'anonymat recule dans les villes. Ce serait bien naïf de croire que c'est un acquis. Pour autant, je pense que ce qu'on voit aussi, alors même en Chine, alors il est vrai qu'en Chine, ils ont des systèmes extrêmement sophistiqués de surveillance, de reconnaissance faciale. Mais il paraît que ça marche pas très très bien, c'est pas d'une fiabilité extraordinaire. Alors c'est pas du tout fiable, hein. Les tests qui ont été faits dans des lieux très précis, notamment pour des grandes manifestations sportives, en Angleterre notamment, montrent des taux d'échec de reconnaissance faciale à plus de 92%. Ça veut dire beaucoup de faux positifs. Exactement. Voilà, beaucoup de faux positifs et puis alors des biais absolument majeurs dès lors que sont concernées les femmes ou les personnes originaires d'autres pays. Donc c'est un énorme problème. Donc ces dispositifs ne sont pas du tout au point. Mais alors ce que vous voyez en Chine, je ne sais pas si vous avez vu le débat récent, avec le coronavirus, les gens portent des masques. Et donc adieu la reconnaissance faciale. Il y a que le système, finalement, on a vu à Hong Kong, les jeunes hongkongais le contourner avec une espèce de masque virtuel qui se projetait, mais là, ce sont les Chinois eux-mêmes qui ne peuvent plus utiliser un certain nombre de services urbains parce qu'on leur demande en même temps de porter des masques. Mais est-ce qu'ils auront le droit de continuer à les porter quand la menace du virus aura disparu? On verra ce qui se passera, mais en tout cas, je trouve ça très, comment dire, assez croustillant de voir finalement un objet aussi banal qu'un masque met à mal une ville entièrement fondée sur des services numériques. Ça me rappelle un petit peu ce qui se passe entre Waze et certaines villes. Quand les algorithmes de Waze décident de vous emmener vers un détour, quelquefois ça n'arrange pas les villes parce que ça vous emmène dans des quartiers résidentiels, ça vous emmène dans des quartiers avec des écoles, des hôpitaux où les gestionnaires d'une ville n'ont pas du tout envie de voir des flots de voitures. Et face à Waze, quelle est l'arme la plus efficace contre l'algorithme de Waze? C'est un bon vieux feu rouge. Donc, vous voyez, le monde physique se rappelle assez rapidement à l'ordre. Peut s'adapter aussi aux nouvelles facilités du numérique. C'est ça, c'est là qu'on retrouve le smart. C'est là que l'urbain est un malin. Je veux dire, même en Chine, les techniques de contournement de toutes ces technologies, je pense qu'on les verra dépasser les seules frontières d'Hong Kong. Donc le vrai smart, c'est de savoir jouer avec le smart. Exactement. De le détourner, de le contourner, de l'utiliser intelligemment. Exactement. N'oublions jamais, les villes sont avant tout des formidables réservoirs de créativité. Ça s'appliquera au smart comme aux autres domaines. Cécile Maisonneuve, j'ai parlé d'une expérience de pensée tout à l'heure qui consiste à imaginer une solution globale pour loger 12 milliards de personnes à la surface de la Terre. Je vous en propose une deuxième qui consiste à imaginer que vous êtes psychanalyste et dans votre cabinet se trouve une Smart City. Quelle serait la psychanalyse que vous feriez de cet objet? Bien déjà, je la mettrais face à ces contradictions. Le numérique nous a promis de tout disrupter. Et en réalité, la question que j'ai envie de lui poser à cette Smart City, mais c'est est-ce que tu veux vraiment modifier un système dont tu vis? Le numérique se nourrit de nos failles. Quand on veut utiliser, par exemple, le numérique pour réduire la congestion, c'est ce que nous avait promis Waze, c'est ce que nous la ont promis. La congestion, les embouteillages. Les embouteillages, voilà, Waze nous dit on va être plus intelligent que le trafic. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que depuis qu'on a toutes ces applications, eh bien les embouteillages n'ont jamais été plus nombreux. On est bloqué dans sa voiture, mais on est connecté. On est bloqué et connecté. On est un connecté conscient d'être bloqué. Dans ce que je veux dire par là, c'est que la Smart City, en réalité, elle n'a pas forcément intérêt à résoudre les problèmes qui la font vivre. Et de ce point de vue-là, le numérique a quelque chose d'éminemment conservateur. Et l'exemple que je citais le montre à l'envi. Et donc, j'aurais envie, si je voulais traiter cette Smart City en tant que psychanalyste, de lui dire: soigne-toi de ton addiction. Soigne-toi de ton addiction à une chose, c'est-à-dire aux données. Une autre raison pour laquelle la Smart City doit se soigner, me semble-t-il, de cette addiction, c'est pour une raison environnementale, tout simplement. Je le disais tout à l'heure, le numérique, ce sont des consommations énergétiques qui croissent chaque année à deux chiffres, parce que il y a les infrastructures physiques du numérique, à commencer par les smartphones. Il y a la collecte, le traitement et le stockage des données qui requièrent des quantités absolument phénoménales d'énergie. Et curieusement, j'ai le sentiment que quand on a dit que les données, c'était le nouvel or noir du 21e siècle, en réalité, on les utilise façon 20e siècle, comme le pétrole. C'est-à-dire qu'on dit, il en faut toujours plus, avec cette fameuse loi de Moore, qui n'a de nom qui n'est pas du tout une loi, d'ailleurs, c'est plus un constat empirique. Et j'ai envie de dire, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas appliquer au numérique en général un principe qu'on utilise en particulier pour les données personnelles, à savoir le principe de sobriété des collectes, de minimisation des données. Et finalement, cette fameuse intelligence artificielle qu'on nous promet comme le Graal, s'agissant de sa capacité à résoudre un certain nombre de problèmes, eh bien, assignons-lui un devoir, le devoir de se soigner de son addiction à toujours plus de données et d'être suffisamment intelligente pour faire le même résultat avec beaucoup moins de données. Voilà. Et si on prend l'exemple de la congestion automobile, par exemple, par quel mécanisme pervers le fait d'optimiser les trajets augmente-t-il, ou en tout cas ne diminue-t-il pas, les embouteillages? Est-ce que ce sont les transports en commun qui se vident, du coup? Ou est-ce que c'est le nombre de voitures qui se multiplient? Ou le nombre de conducteurs seuls au volant qui augmente? C'est un peu tout ça. Premièrement, avec par exemple Waze, vous savez ce qui va vous arriver. Ça s'est prouvé depuis les années 70, ce que déteste un conducteur, c'est de ne pas savoir à quelle sauce il va être mangé, c'est de ne pas savoir combien de temps il va mettre. Une fois que vous le savez, vous adoptez vos stratégies, vous adaptez vos stratégies. Et par exemple, vous allez écouter des magnifiques podcasts de France Culture pendant que vous savez que vous allez être bloqué pendant une heure et demie dans votre voiture. Donc, d'une certaine manière, cette certitude d'être bloqué peut contribuer à faire que vous allez prendre votre voiture là où vous ne l'auriez pas prise, en n'étant pas sûr du temps que vous alliez mettre. Deuxièmement, le numérique, c'est aussi ces applications qui nous permettent d'avoir des trajets porte-à-porte avec les VTC. Et ça, typiquement, donc c'est prouvé dans un certain nombre de villes américaines, Boston, New York, Chicago. Ça n'a pas du tout vidé les voitures particulières, ça a vidé les trottoirs, c'est-à-dire c'est des gens qui finalement auraient utilisé leurs pieds pour aller d'un point A à un point B, prennent les VTC et ça a vidé les transports en commun. Donc ça a accru du trafic là où la promesse était d'en supprimer. Et donc vous avez aujourd'hui un certain nombre de villes qui, constatant ces effets pervers du numérique, reviennent à des solutions assez traditionnelles. Et c'est pour ça que, par exemple, New York vient de mettre en place un péage urbain dans le quartier central Manhattan, au sud de Central Park, pour conjurer ces effets pervers du numérique. Mais quand il y a, par exemple, une diminution du trafic des transports en commun, comme ça a été le cas en France pendant les semaines de grève, est-ce que ça vous apprend des choses sur les bonnes façons de régler la mobilité dans le futur? Alors, le fait que beaucoup de gens se mettent à marcher, à faire du vélo. Alors, effectivement, ça a accru. Alors, les techniciens parlent de part modale, la part modale de la marche, du vélo, mais la part modale qui s'est le plus accrue, c'est la voiture. Concrètement, quand une métropole comme Paris, dont la grande force ce sont les transports en commun, n'a plus cet atout, eh bien, c'est avant tout la voiture qui est la grande gagnante. Donc, ce que ça nous apprend que dans l'avenir, grâce au numérique, un nouveau paradoxe, il va falloir travailler sur comment vous maillez mieux les solutions de mobilité à disposition des gens. C'est-à-dire ne plus partir de l'offre, mais regarder là où sont les besoins des usagers. Un francilien qui habite aujourd'hui en deuxième couronne et qui veut venir travailler dans Paris, il n'a pas le choix que de prendre sa voiture. Donc le sujet des années à venir, c'est comment vous créez un véritable service de mobilité, peut-être avec la mise en relation via des applis numériques, peut-être avec des solutions de paiement intégrées, qui vont lui donner une alternative, lui offrir une alternative. Le sujet, c'est ça, c'est de créer des alternatives qui n'existent absolument pas aujourd'hui dans de très nombreux territoires. C'est le cas de la deuxième couronne et du centre en région parisienne, mais c'est le cas aussi de toutes les périphéries des grandes villes françaises. Mais si on regarde ce problème à l'échelle, disons, mondiale, on voit qu'il y a des villes qui ont d'autres problèmes que celui de la mobilité. Par exemple, le fait d'amener de l'eau potable en tout lieu de cette ville. Est-ce que ces questions-là peuvent être également traitées dans le cadre de ce qu'on appelle la Smart City ? cette question de, j'allais dire, de la construction des infrastructures physiques se pose effectivement dans un grand nombre de villes, et je pense aux villes du continent africain. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment finalement, avec le numérique, on peut partir d'une ville centrée sur les infrastructures, qui était autrefois centrée sur les infrastructures, à une ville centrée sur les besoins, je le disais à l'instant. La ville qu'on a construite dans le passé, avec cette vision très ingénieure, était une ville qui projetait finalement une volonté venue d'en haut. Voilà, une ville, on construit les infrastructures comme ça, et les habitants vont s'organiser autour de ces réseaux-là. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut avoir une vraie révolution copernicienne. Où vivent concrètement les gens aujourd'hui? Et par exemple, avec les smartphones, on peut avoir des traces numériques qui nous permettent de savoir que tel quartier informel dans telle ville africaine rassemble tant de personnes. Et donc, on peut dimensionner les infrastructures de manière beaucoup plus intelligente en fonction de là où vivent réellement les gens et pas là où on voudrait qu'ils vivent. Et c'est ça qui est intéressant dans l'utilisation du numérique pour construire et dire une ville en accéléré, parce que c'est bien de ça dont on parle dans un certain nombre de pays, leur permettre d'avoir accès aux services de base d'une ville, l'eau, l'électricité et la mobilité. Imaginons, c'est la dernière expérience de pensée de l'émission. Je rappelle que vous êtes présidente de la Fabrique de la Cité, Cécile Maisonneuve. Prenez une grande ville française, on ne va pas prendre un exemple précis, mais une grande ville française et une capsule temporelle vous emmène en 2050. Est-ce que cette ville que vous connaissez aujourd'hui vous demeurera reconnaissable? Ou est-ce qu'elle aura tellement changé que vous serez perdu? Je ne pense pas qu'elle aura tellement changé. Et en même temps, elle aura radicalement changé. Ce que je veux dire par là, c'est que... Elle n'aura pas été remplacée. Nos formes urbaines sont... On a construit des villes, et je pense que de ce point de vue-là, je parlais de la ville européenne, on peut être assez fier, qui, pour la plupart, existent depuis beaucoup plus longtemps que les États. La ville de Lyon, elle précède l'existence de la France telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et ces villes-là ont des formes extrêmement résilientes. Et donc, de ce point de vue-là, la forme de la ville ne changera pas. En revanche, ce qui va changer, et on le voit changer actuellement sous nos yeux, c'est nous. Ce sont nos usages de la ville. Parce que on est tous aujourd'hui dotés de ces nouveaux outils numériques. On a aussi des aspirations que nous n'avions pas forcément auparavant. Je pense à toutes les aspirations liées à la qualité de l'environnement, à la nature, à la sensibilité à toutes les pollutions visuelles, sonores, etc. Et de ce point de vue-là, il y aura des changements radicaux dans la manière d'habiter les villes. Alors, un bémol à tout ça, ce que j'espère en 2050, pour l'instant on n'y est pas, c'est qu'on aura mis fin à ce qu'on appelle l'étalement urbain. Et là, je vais peut-être vous paraître un peu provocatrice, mais il serait temps que toutes les villes se considèrent comme Singapour, c'est-à-dire comme des villes tellement contraintes dans leur espace, ne peuvent pas déborder leurs frontières, qu'à partir de cet espace contraint, elles doivent régler les problèmes qu'elles ont à régler. C'est ce que Singapour a fait, c'est ce que Singapour a réussi à faire en augmentant la part des espaces naturels et des espaces verts par rapport à 1965, quand ils sont devenus indépendants, où il n'y avait rien à Singapour, enfin, ou très peu. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, c'est la tâche que nous devrions nous assigner pour 2050, essayer de nous considérer comme contraints dans notre espace et de travailler à l'amélioration de la qualité de vie en ville à partir de cette contrainte-là. Merci Cécile Maisonneuve d'être venue à la conversation sur ville. C'est un plaisir de vous recevoir, bien que j'ai perdu toutes mes notes dans le transport. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Étienne Collin et Marie Le Peintre, et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.